L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Juno vient d'exécuter le premier de ses 36 survols de Jupiter par ses pôles après sa mise en orbite et a envoyé ses premières données et images. On y découvre une vue inédite des pôles de la géante gazeuse. Ce premier survol à très basse altitude, seulement 4200 km au-dessus des nuages de Jupiter, a eu lieu le 27 août. Elle a pu enregistrer diverses données, des images en visible bien sûr, mais aussi en infrarouge, et aussi des données en ondes radio. En fait, les 8 instruments de mesure et de détection ont été mis en route pour ce premier survol. Le passage du pôle nord au pôle sud de Jupiter a duré environ 6 heures, et a généré seulement 6 mégaoctets de données, qui ont mis 36 heures pour être reçues entièrement par les spécialistes de la NASA. Les premières images des deux pôles de Jupiter, obtenues avec l'instrument JunoCam, ne ressemblent à rien que nous connaissions auparavant de Jupiter. On n'y voit plus du tout de bandes nuageuses, mais une grande quantité de tempêtes dans une atmosphère beaucoup plus bleuté que le reste de la planète. Les nuages qui y sont vus semblent avoir des ombres, ce qui indiquerait qu'ils se trouvent à une altitude beaucoup plus élevée que les autres structures. Une des observations les plus intéressantes obtenues lors de ce premier survol scientifique de Juno est l'absence de structure hexagonale dans les couches gazeuses du pôle nord de Jupiter, à l'inverse de ce qui est observé sur Saturne, alors que l'on pouvait s'y attendre. L'imageur infrarouge JIRAM, Jovian Infrared Auroral Mapper, a ainsi pu imager pour la première fois une aurore en infrarouge au niveau du pôle sud de Jupiter. Celle-ci apparaît très lumineuse et bien structurée, et les données vont permettre d'étudier la dynamique et la morphologie des aurores joviennes. L'imageur IR a également fourni les toutes premières images infrarouges des couches internes de Jupiter, révélant des points chauds qui n'avaient encore jamais été observés auparavant. Parmi les autres données uniques récupérées lors de cette première orbite, il y a celle de l'instrument WAVES, qu'on appelle aussi Radio Plasma Wave Experiment, et qui enregistre les ondes radio émanant de la surface de Jupiter, ou juste au-dessus. Ces émissions radio sont connues depuis les années 50, mais n'avaient jamais été analysées d'aussi près. WAVES a détecté la signature de l'émission des électrons énergétiques qui sont à l'origine des énormes aurores qui apparaissent au pôle nord de Jupiter. Je vous propose par ailleurs d'entendre ces impressionnantes ondes radio ici décalées spécifiquement dans des fréquences audibles pour l'occasion. Écoutez-moi ça un petit peu. Eh oui, impressionnant, n'est-ce pas? Jupiter et ses ondes radio. Reste maintenant à mieux déterminer la provenance de ces électrons qui sont la source de ces émissions radio les plus intenses du système solaire quand même. Juno n'a effectué que 3% de sa mission pour le moment, c'est donc un très beau début et le meilleur reste à venir. Vous pouvez retrouver un communiqué de la NASA sur ce premier survol, dont je mets le lien juste en bas de ce billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de Jupiter se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission, comme toujours, sur iTunes, ainsi que sur podcloud.fr et sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, oui, et les pieds sur terre. Allez, salut!